Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un livre assez particulier. Voilà. Alors, c'est un livre que j'ai lu en allemand qui s'appelle Bretonische Verhältnisse, Ein Fall für Kommissar Dupin. Et il a été traduit en français par Un été à Pont-Aven, une enquête du commissaire Dupin. Voilà. Alors, comment en suis-je venue à lire ce livre? Je sais plus si c'est maman C ou oncle D qui m'ont découpé un article dans West France sur un livre qui avait été écrit en allemand et qui se passait en Bretagne, voilà, donc des enquêtes. Toujours est-il que quand je suis allée en septembre dernier à Karlsruhe, je me suis rappelée qu'il y avait ces livres que je voulais lire, des enquêtes, et je me suis dit, bon bah je vais en acheter, donc j'en ai acheté deux. L'auteur s'appelle Jean-Luc Banalek. Et je ne me rappelle plus pourquoi, mais j'avais l'impression que donc c'était un auteur breton qui en fait vivait en Allemagne et qui avait écrit ses livres en allemand. Donc c'est des livres qui ont eu vraiment beaucoup de succès, hein, 250 000 exemplaires vendus pour le premier, si je me souviens bien. Et en creusant un petit peu au moment de le lire, j'ai tapé Jean-Luc Banalek pour savoir qui était-ce. Et là, je me suis rendu compte que c'était un auteur allemand, en fait, un directeur d'une maison d'édition allemande qui avait pris un pseudo breton pour écrire ce livre, ce polar, qui se passe en Bretagne, puisque cet éditeur allemand passe plusieurs mois l'été en Bretagne, je crois, et va souvent en Bretagne, en tout cas, et il adore la région. Bon, donc en fait, en gros, c'est une terrible escroquerie, donc j'étais un petit peu énervée. Et surtout qu'en plus, le personnage principal, le commissaire Dupin, il n'est même pas breton. Bon, en même temps, avec Dupin, on se doutait qu'il n'était pas breton. Mais il vient de Paris. Donc, enfin, je veux dire, là, c'est de plus en plus énervant. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Bon, donc le commissaire Dupin, ça fait 2-3 ans qu'il habite à Concarneau. Il est venu de Paris. Il a été muté, je ne sais plus pourquoi, je ne me rappelle plus si c'est expliqué ou pas. Et il va y avoir un meurtre à Pont-Aven, c'est le meurtre d'un hôtelier dont l'hôtel a été en relation avec les peintres voilà, de Pont-Aven. Alors, je l'ai lu en allemand, donc on va dire que j'ai compris 80% du livre. Hein. Il y a sûrement des subtilités ou du vocabulaire très précis et technique que j'ai pas forcément pu retenir. Mais... Bon, mis à part ce grotesque mensonge sur la Bretagne, de lui en étant breton, alors qu'il n'est pas breton mais qu'il est allemand, etc., plus le commissaire parisien, bon, en essayant de mettre ça de côté, ce n'est pas facile, j'ai quand même pas forcément aimé le livre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas aimé? Bon, j'ai trouvé que l'enquête... Ouais, c'était un peu ennuyeux. Déjà, j'ai trouvé que c'était ennuyeux. Deuxièmement, et je pense que c'est parce que je suis bretonne, je trouvais que c'était très cliché sur les bretons. Alors c'est vrai que du coup ça paraît peut-être exotique et c'est peut-être aussi pour ça que ça a beaucoup de succès, parce que c'est vrai que c'est une petite atmosphère spéciale, Pont-Aven, etc. La Bretagne, donc je comprends l'attirance que ça a pu avoir envers les Allemands pour que le livre ait ce succès. Mais bon, au final, on s'ennuie un peu. Et puis, on a l'impression que c'est le seul qui arrive... Enfin, j'ai pas du tout accroché avec le personnage principal. Il fait son travail un peu tout seul. Il partage pas ses réflexions avec ses collègues, etc. Et on a l'impression qu'il est un peu le seul qui réussit à réfléchir sur l'enquête. Comme si tout le reste de ses coéquipiers était trop stupide pour l'aider. Coéquipiers qui ont des noms bretons un peu improbables, honnêtement. Je sais pas trop comment ça se passe. Mais je pense que même dans le Finistère, parce que moi je connais quand même deux personnes, un qui s'appelle Gurvan et une autre qui s'appelle Ninog. Je retrouve pas les noms là dans le livre. Mais il y en a un qui s'appelle Kadeg. Ça sonne pas très breton, enfin c'est sûrement breton, mais ça sonne quand même pas très breton ou pas très rival, enfin voilà, bon, on sait pas trop où il a été chercher ce nom-là. Y a du suspense parce qu'on sait pas qui a tué la personne, mais en même temps, honnêtement, c'était ennuyeux, quoi. Vraiment ennuyeux. Et bon, bah, donc j'ai le deuxième qu'il va falloir que je lise. Donc on va voir si ça s'améliore. Bah, je vais pas le lire tout de suite, j'ai autre chose à lire avant. Mais donc, pour moi, c'est une vraie escroquerie, ce livre, et je ne vous conseille absolument pas du tout de le lire. Voilà, donc ça c'est mon avis. Je pense que c'est vraiment pas un livre qui s'adresse aux Bretons, parce que vraiment, c'est très cliché. Et puis, en plus, il y a un film, il y a des téléfilms qui ont été tournés sur l'équivalent, je pense, pour l'équivalent de France 3, j'imagine, en Allemagne, qui, pareil, ont cartonné, et j'ai pu voir la bande-annonce. Je vais essayer de vous la mettre dans l'article. J'ai vu la bande-annonce et bon, il y a des gens qui parlent avec un accent français, mais c'est tous des Allemands. Donc en fait, c'est juste très étrange de voir des acteurs allemands faire comme s'ils étaient bretons. Enfin bon, bref. C'est donc une escroquerie comme je ne le répète pas assez, je pense. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que... Bon, là, je suis en train de lire un autre livre qui, évidemment, me plaît beaucoup plus. Donc, j'arriverai à être beaucoup plus enthousiaste pour ma prochaine critique. Et en attendant, bah, Bretonische Verhältnisse de Jean-Luc Banalek, un été à Pont-Aven, vous pouvez l'éviter en toute tranquillité.